seul à la chaise. J'aime pas trop les soucis, donc chirote mon caprisson dans la vague. J'ai beaucoup de contacts, je suis pas du genre à peine navigo, j'ai le beretta dans la mano. C'est fini les meilleurs amis, t'attendais au tournant et t'es mal à peine qui t'ont mise. La rue c'est réel, j'ai vu Tony Canemani comme un con, j'ai pas fumé Manu. C'est chacun son tour, si t'as ta place reste au calme, en ce moment je te vois trop jouer les gros. Chaque jour je te sens pas content et même 10 grammes tu sais pas compter, tu veux me parler en gros. Je suis tous les jours à la thèse, j'écris tout seul dans la caisse et je fais rentrer métal. Je compte sur mes couilles et mon âme, faire un trou dans la caisse, tu vas sucer le métal. Gros j'ai pas perdu mon temps, juste passé pris du bon temps, vu des choses compliquées, vu des gens partir longtemps, parfois c'est pour un montant ou des grosses quantités. Gros j'ai pas perdu mon temps, juste passé pris du bon temps, vu des choses compliquées, vu des gens partir longtemps, parfois c'est pour un montant ou de grosses quantités. J'ai vu des gens partir longtemps, je me suis fait tout seul dans la cité. Tu prêches juste pour prendre un montant, de ma bouche aucun blague j'ai cité. Les bacs que nous prennent en photo, le quartier sous CR puis l'été. Je vois pendant la première mi-temps, et c'est tous des mythos, tu les écoutes, ils ont tout niqué. J'ai vu des gens partir longtemps, je me suis fait tout seul dans la cité. Tu prêches juste pour prendre un montant, de ma bouche aucun blague j'ai cité. Les bacs que nous prennent en photo, le quartier sous CR puis l'été. Je vois pendant la première mi-temps, et c'est tous des mythos, tu les écoutes, ils ont tout niqué. J'écoute pas ces mythos, juste une gerbe, je les vois tous passer aux aveux, je m'en sors pas besoin de baveux. Chez dans le chef, tu peux te faire exécuter par ton frère ou par un rageux. Je me rappelle de l'époque, si t'étais mon pote sans hésiter, pour toi on pouvait perdre la vie. Tu te retrouves, je t'ai rien, seulement deux qui sont là pour toi, les autres ils ont changé d'avis. J'ai cassé ma puce sur un contrôle, j'ai pas trop la tête à m'embrouiller pour même pas doser. J'en connais qui sont plein de malades quand ça doit décoffrer pour un tel, ils ont même pas bougé. J'ai connu la haine comme la plupart de mes potes, j'ai fait de l'argent sale dans de mauvaises conditions. Higo, j'ai fait partir des tonnes, parfois j'ai parvu les thunes, partie lors des petites perquisitions. Je veux pas t'inciter, j'ai fait des thunes, j'ai à maman de pas s'inquiéter. Le temps c'est de l'argent, la rue je peux pas la quitter. Le comme des gens égaux, je peux pas les citer. Faut pas parler de moi si t'es viré de ta cité. Je fais ma paye toujours à fond, j'ai pas besoin de sécu. Prendre la fuite, me noter, c'est plus que si y'a Haja dans l'aveugle, y'a des armes qui tuent. J'ai vu des gens partir longtemps, je me suis fait tout seul dans la cité. Tu prêches, il faut prendre un montant, de ma bouche aucun blague j'ai cité. Les bacs que nous prennent en photo, le quartier sous CR puis l'été. Tu vois pendant la première mi-temps, et c'est tous des mythos, tu les écoutes, ils ont tout niqué. J'ai vu des gens partir longtemps, je me suis fait tout seul dans la cité. Tu prêches, il faut prendre un montant, de ma bouche aucun blague j'ai cité. Les bacs que nous prennent en photo, le quartier sous CR puis l'été. Tu vois pendant la première mi-temps, et c'est tous des mythos, tu les écoutes, ils ont tout niqué. Tu les écoutes, ils ont tout niqué.